Alors, là, c'est le cheikh qui a écrit le livre, donc Wahid ibn Bali, cheikh Wahid Abd Salam Bali. Donc, c'est un égyptien, comme je vous avais dit, hein, dans l'audio. Alors, il a commencé, lui, à faire la muqaddima, et c'est un autre cheikh, un de ses élèves aussi, qui est un cheikh, qui a fait l'explication de ce livre-là. Donc, le cheikh commence, « Alhamdulillah, il a dit, « ala ta'ati » طاعة حبيبة إلى قلوب أوليائه وجعل التقرب إليه آياتهم وجعل رضاه هدفهم. Donc ça c'est une introduction de début, hein. c'est comme si on disait à la place où Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salat wa salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Savoir qu'on peut faire des introductions avec d'autres comment ça s'appelle, d'autres paroles. Donc, louange à Allah qui a fait en sorte que son adoration soit une habibata ila quloub awliya, c'est un amour qu'il a mis dans le cœur de ses serviteurs. Waja'ala at-taqarrub ilayhi ghayatihim, il a fait en sorte que son le fait de se rapprocher de lui soit leur objectif principal. Waja'ala ridahu hadafahum, et il a fait en sorte que son agrément soit notre objectif. Donc ça, je traduis pas. Donc vite fait l'introduction de Al-Fiqh. Expliquer rapidement, j'ai pris quelques notes. Donc, فإن علم الفقه هو العلم الذي ينظم حياة المسلم ويجعلها مستقيمة على شرع الله. La science du fiqh, c'est une science qui ordonne et qui organise la vie du musulman. Et il a fait en sorte, ou cette science fait en sorte de maintenir le serviteur sur une voie droite et sur le shara d'Allah, sur la sharia d'Allah, sur la législation d'Allah. بالفقه تعرف حكم الله في كل عمل تقدم عليه. Car à travers le fiqh, tu apprends les statuts juridiques qu'Allah a voulu في عمل كل تقدم عليه, sur toutes les actions qui seront citées. فإذا استقرت أبواب الفقه ووجدتها منظومة متكاملة. J'ai oublié d'enlever le son. Donc si on vient à comment on appelle ça, وجدتها, je me suis arrêté où. فإذا استقرت أبواب الفقه وجدتها, et si tu t'aperçois, donc là le cheikh il s'adresse aux étudiants et ceux qui lisent ainsi de suite, si tu t'aperçois que tu t'aperçois qu'elle est organisée, structurée entièrement, تنظم حياة المسلم من جميع جوانبها. Car il organise l'ensemble de la vie du musulman et de tous les côtés. جوانبها, c'est côté. الجانب, c'est le côté. Donc, première des choses. Donc, premier point à mentionner. Ah oui, je vous ai dit, prenez des notes. Peut-être pas à partir de maintenant. Là, c'est d'une manière générale, même si ça reste quand même assez important. Parce que là, il parle quand même de l'introduction. Et après, quand on va commencer le chapitre des eaux, des purifications, donc Kitab Tahara, ça va commencer par ça, forcément. Tous les livres de fiqh commencent par ça, mais on le verra. Et donc, à ce moment-là, il faut noter. Donc, la première des choses, fiqh Tahara, qu'est-ce que la science ou la jurisprudence de la purification. يُعَلِّمُكَ كَيْفَ تَتَوَضَّأَ وَتَغْتَسِلْ وَتَتَيَمُّمْ بَلْ وَمَا هِيَ الْمِيَاءُ الْمِيَاهِ الَّتِي تَصْلِحُ طَهَارَةَ بِهَا. Donc la première des choses, donc c'est la purification. La purification, elle t'apprend comment tu dois te purifier, comment tu dois faire tes ablutions et comment tu dois faire les grandes ablutions, al-rusl. Et comment tu dois faire at-tayammum, les ablutions sèches. Bal wa ma hiya al-mi'a'u allati taslihu taharata biha. Et en fait, on va apprendre quel type d'eau est utile ou est utilisé pour faire la purification ou pour se purifier. ويعلم ويعلم الأخ ويعلم الأخت المسلمة أحكام الحيض والنفس. Et il apprend aussi aux sœurs musulmanes les statuts ou le jugement de les menstrues et de tout ce qui est comment s'appelle tout ce qui peut en subvenir suite aux menstrues et les écoulements et ainsi de suite. Deuxième chose, fiqh as-salat, la jurisprudence concernant la prière. Qu'est-ce qu'il en est exactement? يُعَلِّمُكَ شُرُوطَ صِحَّةَ الصَّلَاةِ. Il t'apprend les conditions et les piliers de la validité de la prière. وَأَحْكَامُ الصَّلَاةَ الْجُمُعَةِ. Et sur la, il nous apprend aussi les règles de la prière de الْجُمُعَةِ. وَالْجَمَاعَةُ وَالسُّجُودُ السَّهْوُ. Et il nous apprend aussi la prière en commun, en groupe. La prière à la mosquée en commun, la prière de tarawih, et ainsi de suite. وَالسُّجُودُ السَّهْوُ. La prosternation de l'oubli. C'est-à-dire, dans ce chapitre de Bab Kitab al-Salat, on va voir en fait, tout ce qui concerne la prière, et donc comme on vient de citer certains exemples, et en même temps les actes que tu dois faire, si par exemple tu as oublié ou tu as rajouté, la prosternation de l'oubli, comment tu l'appliques. Après, Mubtilat al-Salat, les actes annulatoires ou les actes qui annulent ta prière. Donc, et dans le troisième mois, Fiqh al-Janaiz. Le fiqh al-janaïs, c'est les règles concernant tout ce qui est funérailles, d'accord, les suite à la mort de quelqu'un. Donc, c'est un chapitre qui s'appelle janaïs, les funérailles. يُعَلِّمُكَ مَادَ تَفْعَلِينَ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتِ. Il t'apprend qu'est-ce que tu dois faire quand la mort vient à quelqu'un. وَيُعْطِيكَ أحكام الغسل والتكفين والصلاة الجنازة والدفن. Il t'apprend aussi comment laver un mort et comment l'envelopper, ça veut dire dans son linceul. التكفين c'est ça vient du mot kafan. Le kafan c'est le sorte de tissu blanc avec lequel on enveloppe le mort. والصلاه الجنازه والدفن. Et nous apprend aussi dans ce chapitre là la prière du mort, c'est-à-dire que comment on fait la prière sur un mort, est-ce que c'est la même prière qu'on fait par exemple comme le dhuhr, l'asr ou le maghrib et ainsi de suite ou pas, et les règles ou les conditions ou comment enterrer quelqu'un. Ensuite, on a fiqh az-zakat, la jurisprudence concernant l'impôt annuel. D'accord. يُعَلِّمُكَ الْأَمْوَالَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةَ. Il t'apprend les biens dans lesquels tu dois sortir la zakat. وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا. Et les conditions de son obligation. وَمَقَادِيرِهَا وَمَا يَجُوزُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لَهُمْ. Et donc, il nous apprend aussi la quantité de ce qu'on doit donner, comment on doit calculer. وَمَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةُ لَهُمْ. Et ceux à qui elle doit revenir, cette zakat. Ensuite, je vais pas continuer parce qu'en fait, il a expliqué un peu sur tous les chapitres qu'on va voir dans ce livre-là, inshallah ta'ala. Donc après, il a parlé du fiqh as-siyam. Fiqh as-siyam, c'est pareil. يُعَلِّمُكَ شُرُوطَ صِحَّةِ as-siyam. Il t'apprend les conditions de la validité du jeûne. وَسُنَنِهِ وَمُفْطَرَاتِ الصَّائِمِ. Donc les actes qui sont tirés de la sunna, ou du moins les sunanihi, c'est-à-dire la manière dont a été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les actes qui invalident le jeûne, en fait, dans le sens où qui te font manger, en gros, qui annulent ton jeûne. والأيام المستحبة صومها. Et on va voir aussi les jours où il est préférable, où il est recommandé de jeûner. Après, on a pareil l'i'tikaf, c'est la retraite spirituelle. Donc là, pareil, on va nous apprendre les règles et comment, ainsi de suite. Après, on a kitab al-hajj, kitab al-jihad, kitab al-bay', kitab al-fiqh al-hijr, fiqh al-sharikat, donc là, c'est dans le commerce, fiqh al-ariyat, علمك احكام استعاره الاشياء ولو تفلت العاريات من الذي يضمنها. Donc ensuite, on a le fiqh al-ghadab, al-ghasab, fiqh al-waqf, Fiqh al-Wasaya, et ainsi de suite. En fait, ça va être tout ce qui concerne, encore une fois, la vie du musulman, le mariage, comment s'appelle, le truc qu'elle fera, et l'héritage, comment s'appelle, bref, en fait, on va voir la répudiation, el khola, les différents types de répudiation, il a ou ainsi de suite, bref. Et donc, il a fait un peu pareil sur tous les sujets. Wat-talib al-ilm bi thalathati wasa'il. Donc, et l'étudiant en sciences, il a trois voies, ou il a trois outils, ou il a trois cheminements, trois règles ou trois conditions pour cheminer. Bit-talaqi 'an al-mashayikh wa al-'ulama. La première des choses, le savant, l'étudiant en sciences, il prend sa science des savants, des chouyours et des imams. Bon, parce que chouyour, mashayikh et ulama, c'est savant, et chouyour, c'est un peu pareil, c'est le même sens. Mais c'est pas le même niveau. D'accord. Donc, la première des conditions, enfin, la première voie par laquelle l'étudiant en sciences arrive à acquérir la science, c'est parce qu'il étudie auprès de chouyour ou de savants. Aou, bilistifta ou wassu'al ou lahum. Et en même temps, il le fait aussi, il a aussi cette voie qui est par le questionnement, ou du moins les fatawa, à travers les questions qui seront posées. Donc c'est aussi une manière d'apprendre qui complète en fait la première. Ou bidirasati wal qira'ati ma'a al-istirashadatihim bihim. Donc et ensuite par l'étude académique entre guillemets, wal qira'at, et la lecture, ma'a al-istirshadat, avec un manhaj, une voie pour orienté. D'accord. Donc ça, c'est les trois manières plus ou moins dans le, comment s'appelle, l'apprentissage. Donc al-muqaddima. Donc là, on avait vu l'introduction du shir Wahid Abdus Salam Bali. Donc encore une fois, je vous dis, c'est un Égyptien. Et là, on va voir l'introduction du shir qui s'appelle il est où son nom? Je le connais pas par cœur. Il s'appelle Ayman ibn Ali Moussa. Cheikh Ayman ibn Ali Moussa. Donc, je vais voir si ça c'est intéressant parce que j'ai vu que j'ai pas aucun magnifique un kitab. Non, je ne sais pas, je n'avais pas pris en compte, donc on ne va pas. Si, je vais. On a fait un livre, et je vais faire un livre, et il y a un livre. قد وفقنا الله في شرحه لإخوان الطالب العلم وعلى نفس الطريقة السهلة وجمع لنا حفظه الله كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Bon, c'est pas important. Alors, pardon. Donc, on commence le livre. Donc, al-muqaddima, qu'est-ce que ça veut dire? Al-muqaddima, vous allez toujours la voir en introduction de livre. On va l'appeler ou introduction, ou préambule, ou ce que vous voulez. D'accord? Et donc, ce terme-là, en arabe, il s'appelle al-muqaddima. Al-muqaddima, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que le cheikh il a fait, c'est une introduction pour dire un peu qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment, quel est l'objectif du livre, sur quoi il s'est basé, et ainsi de suite. C'est ça, al-muqaddima. Et donc, concrètement, on va voir tous ces termes, inchallah, et on va essayer de les... Enfin, le chef, il va les expliquer. Donc, la première des choses, c'est « qawluhu al-muqaddima ». La parole « al-muqaddima », parce qu'elle est encadrée dans le livre. Je vais essayer de faire la photo, comme ça, vous allez peut-être un peu plus voir de quoi je parle. Voilà, il a envoyé al-muqaddima. Al-muqaddima ay al-madkhal ila shay'in wa muqaddimatu shay'in bidayatuhu wa dalaluhu. ودليلهم plutôt. Donc, المقدمة c'est l'introduction d'une chose. ومقدمة شيء بدايته ودليله. Et l'introduction d'une chose, c'est son début et c'est, on va dire, l'argument ou le, l'explication de ce qui va suivre. Ensuite, le cheikh, il a commencé par une question. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa. Ça aussi, c'est une invocation quand on débarque, quand on débute une introduction, un cours, une khutbah al-jumu'ah ou autre. Et donc là, le cheikh, il dit, qawluhu alhamdulillah. Donc là, vous avez dans la partie, qawluhu alhamdulillah. Ça veut dire que là, on va faire ilmu al-mufradat, la science des terminologies et des mots, la science terminologique des mots. Voilà. Donc, qawluhu alhamdulillah. Donc, on l'a bien vu que là, le cheikh, il a commencé par alhamdulillah. Et alhamdulillah, ça veut dire, iqtada an. بكتاب الله تعالى فيما بدأ. C'est de céder de la parole d'Allah. بكتاب تعالى فكما بدأ. C'est de céder de la parole d'Allah par rapport à son livre, comme il a commencé. Quand il a commencé par quoi? Sourate al-Fatiha, qu'est-ce qu'il a dit? Ba'd al-Basmala, après la Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc pourquoi on commence par Alhamdulillah? Parce qu'Allah il a commencé par Alhamdulillah. Pourquoi on commence par Bismillah? Parce qu'Allah il a commencé par Bismillah. Pourquoi des fois on commence par d'autres invocations? Parce que ou Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait ça. Donc encore une fois on reste toujours dans la même règle, c'est que on fait ce qu'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait on le fait pas. Donc bada al-shaykhuna hafidhahu Allah hada al-mukhtasar bilhamd. Le shaykh a commencé ce condensé par Alhamd. وكما هي عادة المصنفين في بداية كتبهم. Et comme ceci est une habitude dans l'écrit, dans l'ouvrage, dans les écrits des ouvrages des gens de science, dans le début. Ça veut dire que vous avez bien vu tous les livres, enfin, le peu de livres qu'on a commencé à lire, ça commence toujours par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou Alhamdulillah. Donc là, le chef il dit par rapport au fait que c'est devenu une habitude chez les gens de science de commencer par ça, le cheikh il a commencé par ça. Wa ma'nahu wasfu Allah ta'ala bi awsafik al-kamal wal-'azamati. Donc et wa ma'na wasfu Allah ta'ala bi awsaf, donc c'est en gros de caractériser Allah parce qu'il s'est caractérisé, par ce avec quoi il s'est caractérisé. D'accord? Pourquoi on commence par ça? Parce qu'Allah il a commencé par ça. Tout simplement. Qawluhu wa kafa, quand il dit wa kafa, donc alhamdulillah wa kafa, kafa ay naktafi bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa, ça veut dire donc je me naktafi, je me comment on appelle ça, comment on pourrait dire ça, naktafi c'est comme si on disait je m'en, ça me suffit. Bon, c'est cette invocation me suffit. D'accord? L'invocation Alhamdulillah Rabbil Alamin est suffisante. Je me suffis de cette invocation. Ibtida an laha li hada al-amal. En commençant cette action. Donc quand il dit Alhamdulillah wa kafa, c'est-à-dire je me suffis par cette invocation de l'action de ce que je vais vouloir faire, c'est-à-dire écrire ce livre de fiqh. D'accord? Qawluhu salam, le salut, si vous voulez la traduction. Salamun, c'est le salut qui soit sur le serviteur qu'il a choisi. D'accord? Ibadi, ça vient de ibad. Donc, un être, un serviteur. Ala, ça veut dire sur. Donc, le salut sur le serviteur qu'Allah a choisi. Astafa, c'est choisir. D'accord. Ay salam ala ibadihi ala ibadi alladhi ala ibadi ala ibadillahi alladhi nastafahum. Donc le salut soit sur ceux qu'Allah a élus parmi ses serviteurs. Wa hum al-anbiya'u wa ash-shuhada'u wa as-siddiqin wa-s-salihu wa-s-salihun wa husn wa hasan wa hasuna ulaika rafiqa. Donc qui sont ceux qu'Allah a élus ou qu'a choisi? Ce sont les prophètes, les martyrs, les véridiques, les pieux, et ceux qui les ont suivis dans la bonne guidée. فَلَهُمْ مِنَّ سَلَامٌ كَمَا أَمَرَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ تَشَهُدٍ مِنَ الصَّلَاةِ. Donc, فَلَهُمْ مِنَّ, ils ont de notre part le salut, comme le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de le faire, أَن نُسَلِّمَ, au moment, comme le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de le faire, dans chaque tashahoud. Dans chaque tashahoud dans la salat. N'oubliez pas que quand on est dans la prière, le tashahoud, on dit quoi? Tahiyyatun lillah, as-salawatu at-tayyibat, as-salamun, as-salamu alayna, que le salut soit sur nous, wa ala ibadallahi as-salihin, et sur les serviteurs d'Allah, pieux, ou sur les pieux serviteurs d'Allah. D'accord? Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé de le dire dans le tashahoud, on le fait aussi dans cette même occasion. Al-Hadith ou Abdullah ibn Mas'ud. Le hadith concernant ça, c'est du compagnon Abd Mas'ud, ibn Mas'ud qui a dit wa fihi anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qala fa idha salla ahadukum falyaqul, si quelqu'un vient prier, qu'il dise at-tahiyyatu lillah. Donc là on est dans le tashahoud. والصلوات والطيبات, ça c'est notre version, hein. C'est une version qui est aussi correcte, on le verra de toute façon les différentes versions, et quand on a différentes versions c'est bien de faire avec les différentes versions. Voilà, donc التحيات لله والصلوات والطيبات, donc la prière التحيات لله, j'aime pas traduire ça, vous pouvez le trouver dans la citadelle du musulman, dans le tashahoud. Les tahiyyat, c'est comme c'est le salut et la prière et les bonnes choses, d'accord, sont à Allah ou appartiennent à Allah. Ensuite, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ah non, j'ai oublié, ouais. Là, d'abord, on prie sur le prophète, assalamu alayka ayyuhan nabi. Que le salut, le vrai terme, bon, c'est pas ça, mais on va dire assalatu assalamu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Que le salut soit sur toi, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa rahmatullah, et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Wa barakatuhu. Après, on reprend, là, sur les serviteurs. Assalamu alayna. Que le salut soit sur nous. Wa ala ibadallahi salihin. Et sur les pieux serviteurs d'Allah. Fa innakum, idha kultumuha asabat kulli abdin. Abdillah salihin fi sama'i wal ard. Donc, quand on fait cette invocation, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? C'est que cette dua, Allah va faire en sorte qu'elle touche ceux qui sont concernés dans les cieux et dans la terre. Qawluhu wa ba'd. Ensuite, on a dit, dans l'invocation, dans le début, il dit alhamdulillah wa kafa. وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Donc c'est ce qu'on vient de traduire, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est aussi traduire. Et ensuite il dit وَبَعْدُ. وَبَعْدُ, ça veut dire en gros, on passe d'un... Bon, je pense qu'il va l'expliquer, donc je vais pas expliquer. قَوْلُهُ وَبَعْدُ لَمْ يَأْتِي شَيْخُنَا بِخِطْبَةِ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطْ أَنْ تَبْدَأَ بِهَا الْكِتَابُ. لم يأتي الشيخنا بخطبة الحاجة. Donc ouais, il a pas fait une invocation complémentaire ou supplémentaire. Donc on va revenir sur le sens. وبعد. وبعد, ça veut dire يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. Donc quand on dit وبعد, c'est qu'on est en train de couper, on est en train de passer d'un sujet à un autre. D'accord? Donc, quand on dit, que vous entendez ou que vous dites « wabad », c'est-à-dire « c'est bon, on passe à autre chose maintenant, on parle d'autre chose ». وَلِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَانَ يَفْعَلُهُ عِنْدَ كِتَابَةِ الْكُتُوبِ. Donc, c'est ce qu'il faisait, ou c'est ce qu'il ordonnait aux gens de faire lorsqu'il demandait à écrire. D'accord? Il disait « wabad ». قَوْلُهُ فَهَذَا مُخْتَصَرٌ. Donc là, on va reprendre le contenu du texte. هَذَا مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ يَضْبِطُ شَوَارِدُهَا وَيَجْمَعُ قَوَاعِدُهَا. قواعده اقتصرت فيه على ما صح دليله ورجح مدلوله ورتبته على أبواب منار السبيل ليكون تمهيدا له ومدخلا إليه وأسميته بداية المتفقه، وأسأل الله أن يصلح نيتنا ويلهمنا رشدنا. Donc là on va voir l'explication de ce qui a été dit point par point. Donc on a commencé par هذا مختصر. Donc فهذا مختصر ça veut dire هو ما قل لفظه وكثر معناه فيكون جامعا لأحكام كثيرة بألفاظ قليلة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سبحان الله وإن من البيان سحرا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à le fait que مختصر, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, du coup, le chef, il a expliqué, après, il a donné un hadith pour expliquer ça. C'est, huwa ma qalla lafdhuhu, c'est muhtasar, c'est une chose qui est condensée, qui est concentrée, ça veut dire avec des termes concentrés, d'accord? C'est-à-dire le fiqh, en fait, ils l'ont concentré. Ils ont pris les plus grandes lignes, les sujets les plus importants, et ainsi de suite, donc ils l'ont conditionné ou concentré. وَكَثُرَ مَعْنَاهُ. Donc c'est un livre مُخْتَصَر, ça veut dire que c'est quelque chose qui est concentré au niveau des terminologies, au niveau des termes qui sont utilisés. فَيَكُونُ وَكَثُرَ مَعْنَاهُ. Et son sens est multiple en fait. Ça veut dire ça, مُخْتَصَر, ça veut dire que c'est des termes et des manières de rassembler la science avec des termes bien brefs. D'accord? Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais le peu de ce contenu-là donne énormément d'explications et énormément de sens. فَيَكُونُ جَامِعًا لِأَحْكَامِ كَثِيرَةٍ بِالْأَلْفَاظٍ فَقَلِّلَةٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, en réunissant, جَامِعًا لِأَحْكَامِ, en réunissant les règles juridiques, l'ensemble des règles juridiques ou les plus importantes avec des mots, avec peu de mots, comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith où il dit, qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna tula salati ar-rajuli wa qasira khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Donc le fait de rallonger la prière, le rallongement de la prière d'un individu et le fait de diminuer son discours, là en fait on parle plus de le khutba de l'jumu'ah. Le khutba de l'jumu'ah, il y en a, ils font des c'est un one man show, ils parlent pendant des fois une heure et ainsi de suite. Et là en fait ce qu'il a voulu dire c'est que il rallonge la prière, mais il raccourcit le débat. Enfin, pas le débat, la khutba, si vous voulez. D'accord? La khutba de l'jumu'ah. D'accord? Et donc, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui, l'homme qui rallonge sa prière, mais qui diminue son discours, fait partie de sa haute compréhension de la religion. D'accord? As-salata wa Donc après le professeur m'a dit je rallonge ma prière et je raccourcis mon discours. Ensuite il dit, et subhanallah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a certes, pourquoi il a dit ça en fait, subhanallah, pourquoi en fait il a dit c'est des discours courts, parce qu'il dit qu'il y a certes dans des discours une forme d'ensorcellement ou d'engouement. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, il y a certes dans le discours, dans le dialogue, dans la rhétorique, dans le langage, une forme d'envoûtement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je ne vais pas faire de crochet parce que sinon on va finir à 3h du matin. Alors, voilà, là on a fait ce passage-là, on va essayer de continuer un peu. Après, Aoulou, fil fiatri. Donc là, on va voir le sens de qu'est-ce que le fiatri. Donc là, je vous demande, je vous conseille de prendre des notes. Je vous conseille fortement de prendre des notes. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous. Bon, après, de toute façon, Inch'Allah, il est enregistré, mais bon. Donc, Aoulou, fil fiatri. Sa parole, quand il dit fil fiatri, c'est-à-dire, si on reprend la phrase, tout au début, فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْرِ. Ceci est un abrégé du fiqh. Et ce qu'on a expliqué, abrégé, c'est quoi? C'est avec peu de termes, mais qui ont beaucoup de sens. Donc là, on est en train de voir maintenant الفiqh. الفiqh, c'est quoi? أي في علم الفiqh الذي هو من أفضل العلوم وأجلها بعد علم التوحيد. Donc, aïe, fil ilmi, donc fil fiqh, ça veut dire dans la science de la jurisprudence, ou la science jurisprudentielle. Alladhi, qui est, ou min afdali, al-ulum, qui est la plus honorable des sciences après la science du tawhid. C'est pour ça que j'essaye, ou j'ai essayé, d'avoir un programme qui est en accord en fait avec le manhaj des gens de science. Donc du dogme, on est en train de faire du dogme, du fiqh, parce qu'on en a besoin pour comprendre un peu nos adorations, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut, et ainsi de suite, et la purification de l'âme, de comprendre le sens de ce qu'on fait, à travers le kitab Adhkar de l'imam al-Nawawi. Donc là on voit bien que on essaye, comme eux aussi, on fait que transmettre comme ils ont reçu la science. Donc, la première des sciences, c'est ilm al-tawhid, parce que c'est comme ça que tu apprends à connaître ton créateur, c'est lui qui t'a créé, et qu'est-ce qu'il t'a ordonné. Une fois que tu vas apprendre à connaître ta limite, tu vas vouloir te rapprocher, apprendre encore plus, et de te conformer à ce qu'il t'a demandé de faire. Donc là, à ce moment-là, tu vas rentrer dans ilm al-fiqh. Et c'est pour ça que la science, juste après, la science la plus valeureuse, juste après le tawhid, la science du tawhid, c'est la science du fiqh. D'accord. وقد يختار شيخنا et notre cheikh a choisi حفظه الله هذا العلم لفضله والحاجة للناس والحاجة الناس إليه. Il a choisi cette science parce que pour son bienfait en soi et par le besoin que les gens ont par rapport à cette science là. C'est vrai. Celui qui connaît pas le fiqh, il peut pas adorer Allah. La science du fiqh, pourquoi le cheikh il a choisi cette science-là? Parce qu'en fait, juste après la science du tawhid, une fois qu'on connaît Allah, on aime Allah, on veut l'adorer. Ok, on l'adore comment? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Comment on comprend de faire la distinction entre une obligation, une recommandation, une interdiction, un péché, une bonne action? Comment on fait? Les ablutions, quelles sont les, comment c'est correct? Comment je perds mes ablutions? Enfin, les conditions. Bref, tout ce qui est rattaché à tout ça. Tout ce qu'on a pu voir depuis le début, la purification, il y a l'eau, il y a le chapitre des eaux, il y a le chapitre de la prière, il y a le chapitre, de la zakat, du jeûne, et ainsi de suite. Donc en fait, on est obligé de savoir tout ça parce que c'est rattaché à nous tous les jours. Tous les jours, tu fais ta prière. Tous les jours, tu as besoin de faire tes ablutions. Tous les jours, t'es amené à faire toutes les autres conditions comme Tashahoud et ainsi toutes les bonnes actions. Il se peut qu'il y ait un décès, qu'est-ce que tu fais? Il se peut que, on va dire, il y a des amis autour de toi qui ont des problèmes, enfin par rapport à tout ce qui est héritage et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que voilà. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'elle est directement rattachée en fait à l'af'al ou l'ibad, les actes des serviteurs. D'accord? وكذا لأنه قد ألف وعلم وعمل وعلم ودرس هذا العلم في المساجد ومعاهد إعداد الدعاة في مصر وخارجها. Donc, وكذلك لأنه قد ألف وعمل. Donc, parce qu'il a écrit donc ce livre, le Cheikh. Là, on parle du Cheikh Wahid Abd Salam Bali. Il a dit pourquoi il a choisi ce livre. Il a écrit et il a donc appliqué Qad Allafa. Donc Allafa, ça veut dire écrire. Wa Amila, Amila, ça veut dire agir. Donc il a écrit, il a agi. Wa Allama, il a enseigné. Wa Darrasa, il a transmis. D'accord. هذا العلم أو هذا العلم. Donc il a transmis tous ces dans les mosquées. ومعاهد et dans les معاهد, c'est les universités. وإعداد الدعاة في مصر وخارجها Et donc il a, grâce à Allah et à son bienfait, à la baraka et à son ikhlas au Cheikh, il a fait en sorte que ce livre a une baraka et qu'il a été enseigné partout en Égypte et à l'extérieur de l'Égypte. Et il y a plein de chouyours et de prédicateurs qui sont sortis de son programme. Après, je dis, au niveau de la langue arabe, une fois que vous avez un certain niveau, on va essayer de cheminer ensemble. Après, je sais où est-ce qu'on sera, où est-ce que ça sera possible ou pas. Mais après, une fois que vous avez, je vous mettrai les liens. Il y a des chaînes YouTube où ils ont un programme, en fait. Il y a plusieurs niveaux. Ils ont des programmes. D'accord? Et vous pouvez étudier tous les livres. D'ailleurs, on va faire les deux livres là prochainement. Donc, ce livre-là de Fiqh et le livre de Aqida, qui va commencer dimanche, Inch'Allah. Celui-là aussi, pareil. On va commencer sur ce livre-là. Inch'Allah, il est très, très bien. Et en fait, ça va nous permettre, comme j'ai expliqué dans les notes vocales, de mieux rentrer dans les livres de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimallah. C'est pas que c'est technique, mais il s'adresse quand même à des gens qui ont une certaine culture islamique, musulmane et arabe. D'accord? Parce qu'il s'adresse à ceux qui sont dans la péninsule arabique. Donc, et surtout à cette époque-là, l'Occident était très obsolète dans leur esprit. Donc, en fait, il y a un contenu qui s'adressait plus à ces gens-là. Donc, il y a des termes, il y a des mots qui ont un sens et qu'ils sont connus par les Arabes à la base. Mais nous, non. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce livre-là. Pourquoi? Parce que l'Égypte, malgré tout, bah, ils sont très conscients et c'est des contemporains. Mais franchement, le livre, mashallah, ça va nous donner de bonnes bases d'une manière générale. Et après, quand on va approcher toutes ces rasa'il, ces épîtres-là, ça sera plus simple pour nous. Inch'Allah. Donc, فنسأل الله. Donc après, il demande à Allah Azza wa Jal أن يكون ذلك في ميزان حسناته. Je demande à Allah que cette action fasse partie, que soit comptée dans ses actions, dans la balance de ses actions, le jour du jugement. Ok. Al-fiqhu, maintenant on va voir al-fiqhu. Vous avez pris des notes ou pas? Non. Donc al-fiqhu, on va voir qu'est-ce que al-fiqhu. Al-fiqhu, on a vu là le fiqhu d'une manière générale, d'accord? Là on a vu le fiqhu, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue science en elle-même, d'accord? C'est-à-dire cette science, ça veut dire quoi, ilm al-fiqh? D'accord? Donc, on a vu ça. Et, pardon. Et maintenant, on va voir al-fiqh lughatan. Donc, et c'est comme ça qu'on va voir l'approche des gens de science dans les livres. Il y a toujours une partie où on va parler de science, du mot. Et on va lui donner, ils vont déterminer son sens linguistique, c'est-à-dire dans la langue, son sens réel dans la langue, et après, ils vont donner son sens dans la charia. Parce que la charia aussi, c'est une source d'information qui va permettre de comprendre certains termes ou certains mots. Et surtout que là, c'est des mots qui sont quand même rattachés au Coran. Parce que ce verset, ce mot fiqh, il sort dans le Coran. Donc d'ailleurs, on va voir des exemples. Donc al-fiqh, lughatan, le fiqh dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Quand on dit al-fiqh, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire al-fahm, c'est la compréhension. Al-fiqh, littéralement, si on vient à le traduire, ça veut dire la compréhension des choses. Le verset est où Allah dit dans Sourat Hud, la Sourat 11, verset 91, il dit قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول Donc là, on voit bien que Allah dit, qalu ya shu'aybu. Donc je m'arrête là. Ma nafqahu. Nafqahu, on voit bien la racine fiqh. Ma nafqahu, le noun, il revient, bon, ça c'est un direct de grammaire, le noun qui est dedans, il revient à la personne. Nahnu la nafqahuka. Nous, nous ne te comprenons pas. La nafqahu kathiran mimma taqul. Nous ne comprenons pas la plupart des choses que tu dis. Houd, Shu'aib, c'était un prophète. Et justement, dans cette sourate, vous allez avoir le tawhid d'une manière générale depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de tout ce qu'Allah il a fait de ces civilisations qui ont tenu ou qui ont voulu tenir tête aux prophètes. Il leur a donné un temps et ensuite il les a détruits. Donc, le mot dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire al-fahm, la compréhension. Ok? C'est noté? Donc, si je viens vous poser demain ou dans quelques jours, dans une semaine, qu'est-ce que le fiqh veut dire, ou si quelqu'un vient vous poser la question, vous lui dites littéralement, le fiqh ou le fahamu. C'est la compréhension. L'oratan, dans la langue arabe. Et dans la religion, c'est-à-dire, istilahan, dans l'istilah shar'a, dans la terminologie de la sharia, c'est-à-dire de ce qu'Allah il a dit, ma'rifatu, huwa ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Donc, ça veut dire, dans la langue, dans la science de la religion, istilahan, ça veut dire, c'est la connaissance, enfin, le mot fiqh, dans la terminologie religieuse, ça veut dire la connaissance des règles juridiques par la voie de l'ijtihad. La voie de l'ijtihad, c'est-à-dire, bah, de l'effort, de creuser, de travailler, d'étudier. D'accord? C'est ça. Le mot fiqh dans la règle, dans la terminologie religieuse. Qawluhu yadbatu shawaridahu. Ay yahkum wa yadbat masail al-fiqh wa jam'uha fi manwal wahidin liyashula hifdhuha wa fahmuha. Donc, il a fait en fait le cheikh dans ce livre-là. C'est pour ça que je vous. Franchement, c'est un livre, il est très intéressant, parce qu'ils l'ont adapté, on va dire, à notre niveau d'ignorance, à nous, au jour d'aujourd'hui, hein, étant donné qu'on est des gens assistés, ils sont adaptés à tout ça. Donc, en fait, ils ont fait, dans certains chapitres, des tableaux, en fonction des chapitres et des sujets qui sont traités. Et dedans, en fait, il va falloir, rentrer les conditions, les règles, ainsi de suite. Bon, encore là, il parle des talab al-ilm, hein, vraiment des étudiants en sciences qui sont vraiment en train d'étudier ces livres-là avec un programme, avec des niveaux, avec des épreuves, avec des examens, et ainsi de suite. Bon, c'est le premier. Hein, bon, donc, il a dit, il l'a fait de manière, et donc il a inscrit ce livre-là, et il a fait en sorte que mettre des exercices à des places pour que ça soit compréhensible, pour que la personne elle comprenne. Qawluhu yajma'u qawa'idahu, ça veut dire il rassemble les règles. Qawa'id, c'est une règle, c'est un fondement, c'est une base. Il réunit les bases fondamentales dans le fait. Donc, ce que ça veut dire exactement, al-qa'idatu. Qu'est-ce que veut dire al-qa'idatu? C'est ce qu'on vient de dire. Donc, voyez, je mets qawa'idahu. Qawa'idahu, là, on voit le mot qa'idatu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qawa'id, c'est le mot au pluriel. Et son singulier, c'est qa'ida. D'accord? Inda al-usuliyin, chez les juristes. Donc, encore une fois, là, on est en train de monter d'un level quelque part. Donc là, on parle vraiment techniquement. Chez les juristes, al-dhabitu al-jami'u li'iddati masail fi abwab mutafarriqatin mithlu qa'idatu al-bina'u 'ala al-asli. Al-dhabitu, donc il a dit c'est al-jami'u li'iddati masail fi abwab mutafarriqa. Donc en fait, c'est de rassembler l'ensemble des sujets sous des portes, en fait, sous des. En fait, c'est comme par exemple, vous allez mettre un titre et après vous allez mettre, par exemple, la prière. Vous allez mettre ensuite en dessous, comment ça s'appelle, les conditions. Les conditions, vous allez dire, voilà, il y a 6 points. 6 points de base à enregistrer. Le premier, c'est taklif. Taklif, c'est d'être arrivé à l'âge de raison, à l'âge de puberté. Deuxième condition, je les mets au hasard, parce qu'on va le voir dans l'ordre, mais c'est juste pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'habit, d'awabit. Et donc, il a mis, en fait, les fondations de base et les comment ça s'appelle, et ce qui se construit sur les fondations. Donc, les branches, le furu', on appelle ça al-aslu ou al-furu'. L'asl, c'est les fondements, les fondations. Al-furu', c'est les branches. C'est ce qui va découler de ce fondement-là. Wal-qa'idatu 'inda al-fuqaha, et la règle, le mot, al-qa'idatu, dans, chez les juristes, d'accord? C'est al-dhabitu al-jami'u li'iddati masa'il fi bawabin wahidin mithla qawlihim l'istihalatu mutahharatin. Donc, chez les gens de science, chez les juristes, le fait de dire l'qa'ida, c'est qu'ils parlent de l'ensemble des règles, enfin de l'ensemble des sujets, ils vont le mettre en un chapitre, un chapitre même, wahidin, mislu, qawl, comme comment s'appelle, la purification. Après, derrière, il y aura plein d'autres sujets. D'accord? Mutahharatun. Mutahharatun. Mutahharatun. D'accord? Donc, فهذا الكتاب جمع القواعد الفقهية مجملة ومفضلة ومفصلة لتجمع الفقه. Donc, ce livre regroupe les règles de jurisprudence d'une manière générale et en même temps détaillé pour que on puisse réunir tous ces sujets-là et que ça se construise dans notre esprit. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Bon, je vais m'arrêter pour le cours ici, il est déjà minuit 30. Il nous reste une page et après on va rentrer dans le chapitre des eaux. C'est-à-dire les eaux X, d'accord. Et comme ça quelque part ça sera bien parce que tout ça nous a permis de faire l'introduction et à vous. Et après si quelqu'un qui a pris des notes assez construites et ainsi de suite, pourquoi pas qu'il les partage. Inch'Allah, hein. C'est une baraka et c'est un khair pour lui. Et désolé encore pour le retard d'aujourd'hui. Hein. Je pense que vous allez commencer à être habitués. Après le but et l'essentiel, on sait qu'il y a plein d'interférences et il y a plein de il y aura plein de gênes, mais il faut continuer, il faut se relever. Et il faut pas compter, surtout quand c'est avec Allah, et surtout quand il s'agit de se rapprocher d'Allah. Wafikum barakallah. Parce que, faire des sorties, s'organiser, ainsi de suite, et repousser, on sait faire. Et, vu que c'est pas des occasions qui se présentent souvent, malheureusement, on fait pas forcément les bons choix. Inch'Allah, qu'Allah nous aide à nous réformer, à nous purifier, nos intentions, nos actions. Amin. Je vous dis barakallahu fikoum encore pour votre patience, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous pardonne. Enfin, c'est pas spécifique à vous, mais bon, vous êtes là, qu'Inch'Allah, qu'Allah vous facilite, et qu'il vous augmente en connaissance, en science, en patience, et en persévérance dans le cheminement de découvrir et d'apprendre à connaître notre Créateur, Inch'Allah, wa ta'ala, amin, amin, barakallahu fikoum, jazakum Allahu khair, Kérida. Kérida, c'est quoi? Comment on écrit Kirida? C'est-à-dire Kirida, je ne sais pas c'est quoi. Ah, Kaïda. En arabe ou en français? En français, je vais l'écrire comme ça. Ka. Le 3, ça veut dire un aï. Aïda. Kaïda. Kaïdatun. Donc je vais mettre un ça. Je vais mettre comme ça. Donc là, on dit Kaïda. Qa'ida. Parce que normalement, c'est qa'idatun. Donc, normalement, il y aurait deux A si on doit respecter les moudouds. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui sont plus longues que d'autres. Donc, on doit dire qa'idatun. D'accord? Ou sinon, au pluriel, c'est qawa. Attendez. Au pluriel, ce mot, قوى عين. Au pluriel, c'est ça. Au singulier, c'est قاعدة, mais au pluriel, c'est قواعد. Et en arabe, elle. قاعدة. En arabe, au singulier, c'est القاعدة, et au pluriel, c'est قواعد. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à vos questions. Barakallahu fikoum encore une fois. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa ighfir lana rabbana innaka anta al-ghafurur rahim. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa fikoum barakallahu jazakoum Allahu khair. Qu'Allah vous fasse. N'oubliez pas que ce livre-là et l'autre livre de fiqh, l'autre livre de croyance, on va faire. Et ça serait bien de prendre un cahier et prendre des notes, même si c'est en vrac, même si après vous pensez que pas vous allez pouvoir relire ou quoi. C'est pas l'important. Regardez l'instant présent. Qu'Allah, il vous voit, il voit vos actions et vous êtes récompensé. Ne l'oubliez pas. Ah, mais je suis désolé, Yasmine. Mais Jasmine, plutôt. C'est pas grave, il a été enregistré. Bon, on a fait juste une petite introduction. En fait, j'avais envoyé un message sur le groupe. J'ai dit ceux qui vont être, pardon, présents, qui me disent qu'ils seront là. Comme ça, je vais pas déranger les autres parce que je sais que la sonnerie, ça va déranger. Donc, je préfère pas appeler tout le monde. Donc, j'ai demandé qui sera présent pour que j'évite de déranger les autres. Et bon, on n'a pas vu. Je l'avais pas vu. Je t'ai pas vu. Désolé. Bon, en tous les cas, voilà, on n'a pas fait. On a fait une introduction de ce livre que j'ai fait la photo juste un peu plus haut. On a fait une première page, l'introduction. Donc, on est encore que dans le préambule. Et voilà, donc bah écoutez, je vous dis Inch'Allah, de toute façon il y aura la traduction, Inch'Allah, l'enregistrement, la sœur Ilham, Inch'Allah, dès qu'elle a le temps de préparer, elle va mettre ça dans le poste. Et après, il faudra bien qu'elle essaye de mettre le distinguo. C'est-à-dire que ça c'est cours de fiqh, ça c'est cours de aqida, ça c'est cours de kitab al-adhkar, et ainsi de suite, pour que bah, vous puissiez vous y retrouver. Non, malheureusement, ces livres-là, ils sont pas en français. J'ai dit, on a, enfin, j'ai pas envie de parler parce qu'après, ça fait beaucoup de choses qu'on dit. Et après, bon, on donne des espoirs à des gens, ils attendent. Il y a un frère, on en avait parlé pour traduire ce livre-là. Et vu qu'il fait 3 tomes, on devait faire plusieurs, mais, on est parti sur un programme, ainsi qu'avec lui, c'est un peu compliqué. Donc, en tous les cas, bon, je vais essayer de vous donner quand même un maximum d'éléments et, ça sera déjà une approche. Et en fait, quelque part, vous l'aurez déjà indirectement lu. Et je vous conseille de les acheter de toutes les manières. Ça va vous faire des bibliothèques parce que ce sont quand même des livres de référence. Mais là, j'essaie de sélectionner vraiment des choses qui sont utiles. Et quand vous allez le voir à travers les traductions, à travers ce qui va être lu, c'est que bah, c'est conforme à cette voie qui a été tracée par les salafs salih. D'accord? Donc, on ne fait qu'emprunter cette voie-là. Et de s'entourer de gens qui ont les compétences. Voilà. Mais Inch'Allah, ça va venir. Un peu de patience, l'arabe, ça va venir. Faites les efforts et vous inquiétez pas. En l'espace de quelques mois, vous allez commencer à être un peu plus à l'aise. Vous allez commencer à distinguer les lettres. Et vu qu'on est déjà en train d'étudier à travers l'arabe, je lis en arabe, je traduis. C'est pour ça. C'est pour vous familiariser. Et je reviens souvent dans des termes ou dans des mots que j'ai déjà traduits. Donc le but, c'est de vous aider à avoir une compréhension assez rapide. Donc du coup, ces livres-là, très rapidement, vous pouvez commencer déjà à déchiffrer. Le but, c'est pas de pouvoir l'étudier. Étudier des livres, franchement, il faut du temps. Il faut d'autres bagages. Mais déjà, de le lire, de pouvoir parcourir les lignes et plus ou moins comprendre, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est la couverture du livre que je viens d'envoyer. Ah, oh, subhanallah, le deuxième, je l'ai oublié dans la voiture. J'avais pris le livre de fiqh, le livre de jurisprudence, de croyance, mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, voilà, mes sœurs, j'espère que ça a été profitable pour vous. C'est-à-dire, sur quel site? Que vous pouvez acheter le livre. Pour commander le livre, bah écoutez, il est en 3 tomes. Mais franchement, il est très très bien. Le livre, il est très accessible. Et je pense que si vous êtes intéressé, Vous me dites qui est intéressé et je peux essayer de voir pour que on nous le commande. Comme ça, vu que je connais des Maktaba et des frères qui sont dans les éditions et ainsi de suite, je pense que je peux l'avoir, le livre, peut-être avec un petit prix. Donc, s'il y a quelques personnes qui veulent l'acheter, il est en 3 tomes. Donc, celui qui veut acheter, ben, Inch'Allah, il me dit, comme ça, je vois combien je vais en commander aux frères ou je vais lui demander. Voilà. Et après, je vous donnerai le prix exactement. Bon, les sites, vous allez galérer parce que ça va, ils sont accessibles, ces livres-là. Donc, celui qui le veut, vous me tenez au courant. Comme ça, j'ai fait les commandes et après, on voit comment on s'organisera pour vous le faire parvenir, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair encore une fois. Et wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oui, de toute façon, ok, Ilham, Inch'Allah, Jasmine, Farida aussi, donc celui qui veut le livre, qui me met un poste. Qui mettent je suis intéressé pour ce livre-là et comme ça je vois le nombre et j'essaie de commander inchallah. Wa fikum barakallah mes sœurs, inchallah que ça soit profitable pour nous dans cette dunya et pour l'akhira. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on ne fait rien sans rien, on veille pas pour rien. Toi, on s'est veillé pour faire des soirées, inviter des gens et désobéir à Allah. Et là inchallah on essaye de faire l'inverse, de commencer à inverser un peu la balance. Maintenant, on essaie de veiller et d'adorer Allah. Et en même temps, il va voir notre faiblesse et malgré que il y a des choses, il y a plein de distractions, de divertissements, des gens qui jouissent de cette dunya et ainsi de suite, nous, on essaie de se maintenir et de se contenir et de se priver pour lui plaire et pour qu'il soit satisfait de nous et en espérant que, inchallah, il le soit. Amin, amin, amin. J'étais par là. Ah non, mais t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je ne vais pas dire que vous me connaissez, mais j'ai un peu la même... ça veut dire que j'essaie de tout le temps de me répéter parce que... voilà, c'est parce que je sais qu'il y a besoin et parce que je sais qu'une chose, c'est que ces shayatines, c'est ce qu'ils font d'après un verset où Allah a dit d'eux, c'est-à-dire que nous, il a repris des paroles des Bani Adam, des enfants, de la descendance de Bani Adam le jour du jugement, où à un moment donné, Dieu il va nous blâmer. Et après, qu'est-ce qu'on va dire, nous? Allah, il a repris nos paroles, et on va dire, bel makrul layl wan nahar. Mais il complotait contre nous matin et soir. Allah, il parle de qui? Il parle de ses shayatins. Qu'Allah sait exactement quelle qudra, quelle capacité il leur a donné sur nous. Mais en même temps, il nous a donné des outils pour qu'il nous approche pas. Donc, quelque part, c'est un peu une fitna pour nous, certes. C'est une épreuve pour nous, certes. Mais en même temps, Allah, par le fait de l'orgueil de Shaitan et de ses djinns vis-à-vis de l'être humain, en gros, c'est quelque part, il leur a laissé cette capacité, mais en gros, si on suit cette voie-là, ils ne pourront rien faire. Vous comprenez? Donc en gros, quelque part, c'est pour humilier en même temps les djinns en disant, regardez mes serviteurs, ils m'obéissent, ils me suivent, et en contrepartie, voilà, vous n'aurez pas de main sur eux, vous n'aurez pas de poids sur eux. Vous comprenez? Donc, et vu que justement il y a ce travail qu'ils font matin, midi et soir, et ben nous aussi normalement on devrait, et c'est pour ça que je fais un rappel sur rappel, un rappel sur rappel, et c'est ce qu'Allah dit. Rappel car le rappel profite aux croyants. Et le rappel, c'est tout le temps. Quand on regarde notre religion, quand, là on est en train de commencer à l'étudier, et je pense que vous commencez à voir. Mais votre religion, en fait, Allah, il a fait en sorte qu'elle vous englobe votre vie. Pourquoi? Pour vous prémunir de ces gens-là. On ne voit pas. On ne le ressent pas. Qu'on ne saurait même pas, dévoiler certaines manipulations et stratégies. D'accord? Par contre, Allah nous a mis une immunité vis-à-vis d'eux dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à nous de nous accrocher, et le but c'est un peu l'objectif de ce groupe et autres, c'est de créer une certaine voilà fraternité, une unité, et que on essaye de cheminer vers ce moment, vers cette baraka là, Et qu'il faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la main d'Allah, pardon, yadullahi ma'al jama'a, la main d'Allah est avec la jama'a, avec le groupe. Donc ça veut dire que ici un groupe, Allah il est avec eux, il les aide, il les assiste. Mais quand on est tout seul, ben voilà, on n'apprend pas, on comprend rien, tout est flou, tout est ambigu. On est la proie des shayatines, on est la proie des gens mal intentionnés, et ainsi de suite. Alhamdulillah, qu'on a pu comprendre à un moment donné qu'Allah nous a guidés et qu'on maintenant on essaie de inverser la balance. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Barakallahu fikum. Je vous dis à dimanche, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.